Après s'être montré beau-père agréable et grand-père gâteau, le baron amena son fils dans le jardin pour lui présenter des observations pleines de sens sur l'attitude à prendre à la chambre sur une circonstance délicate surgie le matin. Il pénétra le jeune avocat d'admiration par la profondeur de ses vues, il l'attendrit par son ton amical et surtout par l'espèce de déférence avec laquelle il paraissait désormais vouloir le mettre à son niveau. Monsieur Hulot fils était bien le jeune homme tel que l'a fabriqué la Révolution de 1830. L'esprit infatué de politique, respectueux envers ses espérances, les contenant sous une fausse gravité, très envieux des réputations faites, lâchant des phrases au lieu de ses mots incisifs, les diamants de la conversation française, mais plein de tenue et prenant la morgue pour la dignité. Ces gens sont des cercueils ambulants qui contiennent un français d'autrefois. Le français s'agite par moments et donne des coups contre son enveloppe anglaise, mais l'ambition le retient et il consent à y étouffer. Ce cercueil est toujours vêtu de drap noir. « Ah, voici mon frère !» dit le baron Hulot en allant recevoir le comte à la porte du salon. Après avoir embrassé le successeur probable du feu maréchal Montcornet, il l'amena en lui prenant le bras avec des démonstrations d'affection et de respect.